L'aube de ma vie, un seul mot, un seul cri qui vient de l'intérieur, celui du fond du cœur. Toute ma vie j'ai donné, je n'ai pas su m'adapter à ce monde de fou. Je vous quitte, c'est tout. Ma vie s'en va comme un refrain. Elle foule comme un train. Et je reste seul sans ami. Ma vie est maintenant bien finie. Ma vie s'en va comme un refrain. Je monte dans ce dernier. L'aube du dernier jour, je vous confie mon amour, la seule que j'ai aimée, celle qui m'était destinée. Prenez soin d'elle surtout, elle a compté plus que tout. Même si mon âme s'en va, je sais qu'elle n'oubliera pas. Ma vie s'en va comme un refrain. Elle tourne comme un train. Et je reste seul sans ami. Ma vie est maintenant bien finie. Ma vie s'en va comme un refrain. Je monte dans ce dernier. L'aube de la nuit, le soleil qui rougit, les yeux vers le ciel, je pars dans le sommeil. Je sais que j'ai réussi à laisser à ce monde infini les traces de mon passage. Je pars pour